Document 3, page 9. Mademoiselle Sicard, vous allez à la cafétéria? Non, monsieur Duclos, je ne mange pas à midi. Je vais à la piscine. Ah bon? Vous faites de la natation? Oui. Et vous, monsieur Duclos, vous faites du sport? Moi, non. Je regarde le football à la télé. Mais je fais bien la cuisine.